na kotu na lelo ha e pankolo o bo mwana nangai nazalaka maeleo aninga peto tanga ha o baebie nazalaka ko baza kasi sakelasio nga ko mananga ha Milite Yebanga bonyo nanga na zoto nanga Bafinga kala balopilelo ezali rythme Dernier coup de sifflet oh nga la zela ta soti na ebaki mama Mbele kutu na botama na ngaite mama Mbariviste o, ba brudama o Basilisi karte la temo bimba koluka kaka Ligablo oyo bate kaka ngele Wabisi metier ya moto oyo ngana bomara Gombo ya mobulu papa kolanga na zato se ya bamba Pona zalaka amure ya kitendio Lichala la renzino, ta la regla joyo Ta kere kikushi, molda la bansoyo Yoshi ya mamoto, regla jaso moyo Al Pacino, exemple mondoyo Yangone, religion langai amis dans Paris au Salangele Aguaya Aguaya Kala kala na sala kala kinyo bangwa ba utakana e koma kala kante mondele ngulu makambo meke wangino makambo eleke kala kala na sala kala kinyo Makambo meke Ilolo makambo elekie Kala kala na zala kala kinyo Baba utakano Yeko mangala kate mondele ngulu Makambo meke Amerikana makambo elekie Kala kala na zala kala kinyo Baba utakano Yeko mangala kate mondele ngulu Makambo meke Lupino makambo elekie Koko Veri et mon Toko Jean-Franco Ferry. Ah ben les gars, voilà les religion du thème. Tchoukou tchoukou, tchengé tchengé. Tchoukou tchoukou, tchengé tchengé. Jean-Sif, Mati, Jube Kake. Oh, petit nanga Willy Bena, Mokili Yango, Sakana, Mela, Lia, Kasita Moliwe Yaka, Yeroba Kateo. Yo de Ingo, Fungola Matoye. ambassadeur idolo, le monument. Oh, Réclamation, oh, ah, réclamation. Oh, mon awabi, prince Akelela. Hitler a régné à Kane, Pokénaïe. On a six à Donwa, Nantengenaïe. Au Pongaliema, solo la canasse dans l'air. Roi Makoko, Yena de Braza. Kisa sa Braza, Yesa Limbo Kamoko. Kaka e balé, ne Kamola Bisso. Bakaya sefa, mota troepe. Bakaya kinyo, mota mingyo. Bakaya sefa, mota troepe. Bakaya kinyo, mota mingyo. Mobale alulio, se kakaka. Yebisa ye, asombe la le ciel. Sima oloba, ozalaka marie. Sabu voix ma.